Léonce Vitaliho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Quatre maisons ont été complètement démolies dans la nuit dernière sur la colline Guitanga en commune et province de Bubanza. Les victimes sont pour le moment en cavale, vous l'entendrez. Les devises sont rares dans la capitale Bujumbura. Certains détenteurs des bureaux de change disent qu'ils n'en ont pas et qu'ils ne vendent plus aujourd'hui ce billet vert. Les étudiants de la faculté de lettres à l'université de Burundi n'ont pas regagné les auditoires ce lundi comme prévu. Le rectorat de l'université de Burundi a réagi. Des mesures seront prises à l'endroit des étudiants qui ne veulent pas regagner ces auditoires. Certains des habitants de la province de Luyigi disent ne pas savoir la destination des vivres qui sont collectés dans chaque ménage pour nourrir les élèves qui sont dans des camps de travail alors qu'ils ne sont pas nourris. Jean-Claude Nchimilimana nous en dira plus dans cette édition. Vous aurez également le droit à la chronique sportive avant la fin de ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les devises sont rares dans la capitale Bujumbura. Certains des bureaux de change n'en vendent pas. Ils expliquent qu'ils n'en ont pas. D'autres qui ont encore le billet vert procèdent au marchandage dans la clandestinité, si du moins ils acceptent de le vendre. Les particuliers qui vont vendre leurs dollars dans les bureaux de change refusent de le donner au prix fixé par la Banque centrale. Joseph Nsabiabandi nous en dit mieux. Il était communément appelé billet vert, mais aujourd'hui il est devenu billet rare. Au bureau de change où nous sommes passés, les affiches sont bien positionnées indiquant les taux de change fixés par la Banque centrale. À l'intérieur de ces bureaux, la situation est tout autre. Partout à ces maisons, les employés sont à leur poste d'attache, mais le mouvement vente-achat de devises dont le dollar n'y était pas. Nous ne vendons pas le dollar parce que nos clients refusent de nous les donner au taux fixé par la Banque centrale, nous a confié un employé trouvé dans un bureau de change. Celui-ci a ajouté que depuis vendredi, il se présente au travail, mais il ne fait rien. Non loin de là, dans un autre bureau de change, le mouvement y était. La personne qui était à la réception se refusait de dire ouvertement le prix du dollar ou le taux réel de change. Tout était moyennant et marchandage en privé. Une personne est rencontrée devant son bureau de change s'est plaint. Si vous n'êtes pas connu de cette maison, on ne vous reçoit pas car on vous soupçonne d'être un agent de l'État. Une autre qui venait de vendre les dollars à ce même bureau de change nous a indiqué qu'on les lui a achetés à un taux de 2400 francs burundais le dollar. Joseph Nsabiabandi, quatre maisons ont été complètement démolies et une autre brûlée au cours de la nuit dernière sur la colline Guitanga de la commune et province de Bubanza. Les victimes sont pour le moment en cavale et demandent que les auteurs de ces forfaits soient punis conformément à la loi. Les administratifs à la base évoquent des accusations de sorcellerie au moment où les victimes parlaient tout simplement d'une intolérance politique. Reportage d'Ospes Caritas Cabagnana depuis Bubanza. En plus d'une maison complètement incendiée dans la nuit de vendredi, la semaine passée, une autre maison de la même famille a été brûlée, quatre autres entièrement détruites à l'aide des pioches. Cela s'est passé au cours de cette nuit de dimanche à lundi, sur la colline Guitanga, zone Muramba, commune et province Bubanza. Même des plantations d'eucalyptus ont été expressément brûlées, comme le précise le chef de colline. Les auteurs de ces forfaits ne sont pas encore connus, selon le même chef de colline, puisqu'ils le font pendant la nuit. Mais les victimes disent que les agresseurs sont bien connus et qu'ils vont les dénoncer. Une famille de plus de 20 personnes en cavale jusqu'à présent indique qu'ils sont victimes d'une intolérance politique car étant membres du parti MSD. Mais les administratifs à la base parlent plutôt des accusations de sorcellerie et de détention illégale d'armes. Le procureur de la République, Abou Banza, nous a indiqué ce lundi matin qu'il n'était pas au courant de cette situation et qu'il allait tout de suite enquêter là-dessus afin de sanctionner les coupables. Le gouverneur de la province, quant à lui, nous a signifié qu'il venait juste de l'apprendre ce lundi matin et qu'il allait, tout comme le procureur, chercher les auteurs de ces forfaits qui doivent être sanctionnés conformément à la loi, selon Tarcisse Niyongabo, gouverneur de la province de Bubanza. Escalitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Aspes Caritas Kawanyana. Deux femmes viennent de passer respectivement 2 mois et 5 mois dans le cachot du commissariat de police à Karusi. La police indique qu'elles sont sous protection après qu'elles aient failli être tuées par la population qui les accuse de sorcellerie. L'administrateur communal de Buhiga indique qu'elle est en train de tout faire en sensibilisant la population pour que ces femmes soient rétablies dans leurs droits. Blaise Pascal Kararumi. Ces Indorela est une mère de 8 enfants de la colline Wignusa, près du chef-lieu de la province Karusi. Elle passe 5 mois au cachot de police. La police explique qu'elle est sous protection pour qu'elle ne soit pas tuée par certains de ses enfants qui l'accusent de sorcellerie. Madame FMI parle de deux premiers fils qui ont voulu la tuer en lui accusant de cette sorcellerie, mais explique que l'origine n'est que les conflits fonciers et le gaspillage du patrimoine du ménage que ses enfants voulaient faire. Ces deux enfants acceptent qu'il y a une mésentente entre eux et leur mère. La deuxième mère répond au nom de Languit, qui a été chassée de la colline Karuli de cette même commune de Wiga, qui est aussi sous la protection au cachot de la police de Karusi il y a 2 mois. Elle a failli être tuée par la population de cette colline, qui l'accuse de sorcellerie, et a été sauvée par le chef de colline. Après sa fuite, cette population a détruit sa maison en tôle jusqu'au niveau des murs et tous les biens ont été pillés. Ces deux mères souhaitant être réhabilitées dans leurs droits, l'administrateur communal de Wiga indique qu'il a déjà tenu des réunions de sensibilisation sur cette colline de Karuli pour que la population soit calmée et éviter de se faire justice. Madame l'administrateur indique que pour les accusés qui ne sont pas encore inquiétés, elle indique que le dossier se trouve en main de la police. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumie pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Radio Isanganiro, nous poursuivons avec ce journal. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique se dit satisfait de ses réalisations au cours du premier semestre de l'année. Il déclare avoir collecté notamment beaucoup d'impôts. Toutefois, le ministre Pascal Barandaguié, ayant en charge le 10 ministères, reconnaît qu'il y a des percepteurs d'impôts qui collectent beaucoup d'argent, mais qui versent des sommes minimes dans les caisses communales. Cela a été dit ce lundi dans l'après-midi lors de la présentation du bilan semestriel du ministère de l'Intérieur. Et c'est là où Pascal Barandaguié a appelé la justice à faire tout son possible pour que les malfaiteurs soient punis conformément à la loi. Suivez. Le marché d'Ongoza a été vendu à des particuliers aujourd'hui. Ce marché, ces particuliers, ne versent dans les caisses de la commune que 9 millions. Mais nous avons pu voir qu'en ce jour de marché, on peut percevoir plus d'un million. Et quand nous sommes rendus sur terrain ce jour, on a perçu autour d'un million 400. Et vous voyez qu'il gagne plus de 40 millions, alors qu'il ne verse que 9 millions dans les caisses de la commune. Et à Rumonge, je crois que c'est encore plus grave. Il ne verse même pas 9 millions, mais les experts ont pu démontrer que ce marché pourrait, si les recettes sont bien perçues, que ce marché pourrait verser dans la commune plus de 50 millions. Il s'observe une propreté sur deux façades de l'ancien marché de Bujumbura, celle située du côté du parking de bus menant au sud de la capitale et la façade passant du côté de l'ancien coin dit Grenier du Burundi. À cet endroit, deux drapeaux du parti CNDD-FDD y sont hissés et malgré cette propreté, certains autres coins des deux façades restantes sont caractérisés par des immondices et une odeur nauséabonde comme l'ont constaté nos reporters ce lundi. Les détails avec Evrar Habzariman. Après l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura, les quatre coins de ce marché ont été clôturés par des tôles. À l'heure actuelle, ces tôles sont visibles du côté du parking des bus menant vers le nord de la capitale, plus précisément à l'ancienne principale entrée de ce marché et une partie située à l'entrée des bureaux abritant le siège de la poste. Sur des façades de ce marché, dont celle située près du parking des bus menant vers le sud de la capitale, ainsi que la partie située le long de l'ancien grenier du Burundi. Comme nous l'avons constaté ce lundi, à cet endroit, deux drapeaux du parti CNDD-FDD y sont hissés. Ils viennent d'y passer plus d'un mois, selon les informations que nous avons recueillies sur place. Selon ces mêmes sources, le kiosque 06A, qui était fonctionnel avant l'incendie du marché, sert aujourd'hui de lieu de vente de nouveaux cahiers de ménage. Bien qu'il y ait la propriété dans certaines façades de ce marché, des immondices s'observent près de l'entrée du plaza. Une odeur nauséabonde est sentie près du parking des bus qui vont vers Mouira, en province de Bujumbura. Evrar Habzarimana, au sujet des drapeaux du CNDD-FDD qui sont hissés à l'ancien marché central de Bujumbura, nous avons contacté le maire de la ville. Freddy Mbonima nous a renvoyé au chef de zone Rohero. Celui-ci nous a finalement donné le rendez-vous de demain mardi. Les étudiants de la faculté de lettres à l'université du Burundi n'ont pas répondu à l'appel qui leur avait été lancé de regagner les auditoires dès ce lundi. Ils avaient été renvoyés des hommes après avoir protesté contre des nouvelles filières qui ont été introduites dans cette faculté il y a près d'un mois. Oban Nyonguru. Ces étudiants de la faculté de lettres à l'université du Burundi n'ont pas regagné les auditoires malgré l'appel du directeur des services académiques à la même université. Ils disent que leurs inquiétudes concernant l'introduction de nouvelles filières dans la faculté des lettres n'ont pas encore trouvé de solution. Ces étudiants s'inquiètent sur leurs débouchés après leur cursus académique de baccalauréat avec de nouvelles filières qui ont été introduites dans cette faculté. Ces étudiants réclament plutôt l'introduction d'une formation académique dans leur cursus pour qu'ils puissent aussi embrasser la carrière d'enseignant. Cette demande est plutôt refutée par l'autorité décanale parce que, contraire au système d'enseignement actuel dit BMD, les étudiants qui ont suspendu les cours sont ceux du département d'anglais, celui de français, celui d'études africaines, ainsi qu'une partie du département d'histoire. À ce propos, Aubin, le rectorat de l'Université du Burundi a tenu une réunion dans l'après-midi de ce lundi. Selon le directeur du service Assurance et Qualité, le rectorat a décidé qu'il ne pourra pas octroyer à ses étudiants des diplômes qui ne sont pas conformes au règlement régissant cette Université du Burundi. Pour les étudiants qui voudraient embrasser la carrière d'enseignant, les portes sont ouvertes pour se faire inscrire à l'Institut de pédagogie appliquée, a souligné le professeur Valos Lunyagu. À défaut, il fait savoir que des mesures pourront être prises à l'endroit de ces étudiants qui ne veulent pas regagner les auditoires. Certains parmi les enseignants de Bururi qui avaient été sélectionnés pour suivre la formation des formateurs des enseignants du poste fondamental se lamentent qu'ils ont été injustement remplacés. Ils accusent le directeur communal de l'enseignement à Bururi d'être l'auteur de leur remplacement, ce que nie catégoriquement l'accusé. Certains des habitants de la province Luigi demandent d'être informés sur l'usage des vivres collectés dans chaque ménage par les responsables administratifs dans différentes communes de la province. Cette demande est soulevée après avoir constaté que les élèves en camp de travail ne sont pas nourris alors que ces vivres étaient destinés à cette fin, selon les dires de certains responsables administratifs à la base. Le gouverneur provincial dit que ses élèves seront nourris lors de la clôture de ces travaux et qu'ils bénéficieront des cahiers issus de la vente d'une partie de ces vivres. Jean-Claude Chimilimana, depuis Luigi. 4 gobelets de grains de vivres selon les facilités de chacun, équivalent à 2 kg, sont en train d'être collectés ménage par ménage par les chefs de colline et chefs de quartier, appuyés par les chefs de 10 ménages de différentes communes de la province Ruigi. Certains des habitants font savoir que les chefs de colline leur avaient dit que ces vivres sont destinés à nourrir les élèves en cas de travail, organisés sous forme de travaux patriotiques. Mais ils disent qu'ils ont constaté que c'était un pur mensonge, puisque la première semaine de ces travaux a pris fin vendredi dernier, sans que ces élèves ne soient nourris, ne fût-ce qu'un seul jour. D'autres disent qu'ils n'ont eu aucune information sur l'usage de ces vivres collectés, mais ils précisent qu'ils ont été contre de donner ces vivres parce qu'ils ne pouvaient rien face à une obligation administrative. Tous ces habitants demandent actuellement d'être informés sur l'usage réel de ces vivres. Pour l'avenir, ils demandent d'être concertés dans la préparation de n'importe quel projet dont la mise en œuvre nécessite la contribution de la population. Abdallah Hassan, gouverneur de la province Ruigi, dit qu'ils ont finalement constaté que la quantité de vivres qu'on aura est insuffisante pour nourrir tous les élèves qui sont dans les camps de travail. À cet effet, il précise qu'une partie de ces vivres collectés sera utilisée pour nourrir ces élèves lors des festivités de clôture des travaux et qu'une autre sera vendue pour que l'argent qui en résultera soit utilisé pour acheter des cahiers qui seront donnés à ces élèves. Vous saurez que la première tranche de ces travaux est organisée du 18 au 30 juillet courant. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Plus de 20 chèvres dites de race alpine se trouvant au projet Caprand de Viegua en province d'Ongozi sont déjà mortes depuis leur arrivée fin 2012. Selon les experts en santé animale à la Direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage en Ngozi, la situation risque de s'aggraver si la gestion de ce projet, qui aujourd'hui se trouve dans les mains de la Direction animale à Gitega, ne revient pas à la DPA Ngozi. Les précisions d'Apollinaire Mouzagar. Au total, au nombre de 100 allers arrivés en province Ngozi vers fin 2012, les chèvres laitières dites d'Alpine ont alimenté beaucoup de polémiques quant à leur prix d'achat, ainsi qu'à la véracité de leur race. Après 4 ans en Ngozi, les chèvres, au lieu d'augmenter, elles ne cessent de diminuer alors qu'elles continuent à mettre sur le caprin et victimes de plusieurs maladies. Et dans ce projet, il n'y a que 81 chèvres actuellement, des chèvres de qualité médiocre, très maigres, avec pour la plupart de maladies de la peau causées selon les experts par des prix. Bien qu'elles soient de race alpine positive en lait, les chèvres ne donnent actuellement aucun lait aussi. Aucune chèvre n'a été distribuée aux habitants de différentes collines de Ngozi, alors que c'est le principal de ce projet. D'après la direction provinciale de l'agriculture de l'élevage, cet objectif ne sera jamais atteint tant que la gestion de ce projet reste à la direction animale prise en province d'Itek. Le suivi devrait être assuré par la DPA Ngozi, elle qui est proche de son centre caprin de Viegua, propose les responsables en santé animale en Ngozi. Et l'approvisionnement en médicaments et rations tarde à venir. Certains même des responsables en santé animale proposent le repeuplement de son centre caprin, arguant que l'actuel cheptel n'est pas vraiment de race alpine. Selon eux, toutes les conditions sont favorables pour cette race alpine à Viegua, arguant que les résultats étaient très satisfaisants avant la crise de 1993, quand ce projet était dans les mains des Allemands. Et pour rappel, les chèvres se trouvant actuellement en Ngozi ont été achetées à 3 millions de francs chacune, ce qui étonne plus d'Ngozi. Apollinaire Mouzagara, Radio Sangani. Radio Isanganiro, chronique. C'est la chronique sportive. Olympe, c'est la ville grecque où sont nés les Jeux Olympiques, d'où l'appellation même Jeux Olympiques. C'était à l'époque de l'Antiquité. L'explication est donnée par Salvatore Wigirimana, spécialiste des sports et vice-président du Comité national olympique du Burundi. Il estimait cependant qu'aucun pays africain n'est capable aujourd'hui d'organiser des Jeux Olympiques car ils exigent beaucoup de moyens. La chronique sportive d'aujourd'hui avec Évariste Nzikobanyang. Les Jeux Olympiques datent de l'Antiquité selon l'histoire. Ces Jeux, qui sont nés dans la ville d'Olympe en Grèce, étaient pour célébrer la fête du petit dieu Zeus. Selon l'histoire grecque, explique le spécialiste de sport Salvatore Wigirimana. C'était des festivités religieuses en l'honneur du dieu Zeus, comme il y en avait beaucoup d'autres dieux. Et ces dieux aussi, on faisait pour eux des festivités, pour marquer le respect et qu'on doit à ces dieux-là. Alors, pour le dieu Zeus, on organisait ces festivités dans la ville d'Olympie, d'où le nom de Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques se sont modernisés au fur des années. Le siège des Jeux Olympiques se trouve pour le moment à Lausanne, en Suisse, poursuit ce spécialiste de sport. Et après, les Jeux sont tombés en désuétude, mais il y a le baron Pierre de Coubertin qui est né en 1863. C'est lui qu'on appelle le rénovateur des Jeux Olympiques. En fait, il s'est inspiré des Jeux d'Olympie pour les moderniser. C'était un intellectuel français et qui avait fait les études de droit. Après, il les a abandonnées pour se consacrer à la pédagogie et à l'éducation de la jeunesse. Il était impressionné par le dynamisme des jeunes Anglais, contrairement à la jeunesse française qu'il jugeait d'amorphe. Et c'est pour cela qu'il est allé en Angleterre où il s'est inspiré de quelqu'un qu'il appelait son directeur parce qu'il dirigeait vraiment ses idées, le docteur Thomas Arnault. Parce que lui, il a inspiré la jeunesse anglaise au dynamisme. Et c'est à partir de cette époque-là qu'on parlait du gentleman anglais, qu'il doit être fort, bien formé, bien chic. Il y avait un dynamisme et cela l'a inspiré pour faire la même chose en France. L'organisation des Jeux Olympiques exige beaucoup de moyens. Selon Salvatore Wigirimana, aucun pays africain ne peut pour le moment organiser ce genre de compétition. Actuellement, on parle du gigantisme des Jeux. Les Jeux sont de plus en plus coûteux. Même les pays riches, il y a des mairies qui s'endettent parce que ce sont les villes qui organisent les Jeux. Nous pensons que oui, c'est possible que le continent africain organise les Jeux, mais pas vraiment, à mon avis, dans un proche avenir. Si l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde, c'est un pas important. Mais le football, c'est une partie des autres sports olympiques d'été. Ce qui veut dire que même le nombre des sportifs qui y participent, la structure, etc., c'est trop, trop lourd. Au point que pour le moment, par exemple, les Jeux olympiques de Rio, c'est la première fois que ces Jeux soient organisés en Amérique latine. Et on voit aussi qu'il y a des difficultés d'organisation, etc., etc. Je pense que oui, mais dans l'immédiat, je ne vois pas que l'Afrique peut organiser les Jeux olympiques. Le Burundi a déjà participé aux Jeux olympiques. Au mois d'août prochain, le Burundi va participer pour la 6e fois et sera représenté par 9 athlètes. Une chose nouvelle depuis son histoire, explique Salvatore Bigirimana. Durant les 5 fois que le Burundi a déjà participé aux Jeux olympiques, une médaille d'or a été décrochée grâce à Venuste Niyongabo sur 5000 mètres à Atlanta, aux États-Unis. C'était en 1996. Évariste Nziko Anyanga. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.